Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement pour un bon 2 heures de rock progressif. Ce soir, on commence avec un extrait du plus récent album de As Froberg and Musical Companion. As Froberg, évidemment, je pense que tout le monde le connaît pour son rôle au sein de Flower Kings en tant que chanteur et guitariste. Et il mène depuis 2008 une carrière solo. Son premier album, en fait le premier album du groupe, Future Past, est paru en 2010. Froberg avait profité d'une période d'inactivité de The Flower King pour rassembler des chansons qu'il avait composées au fil des ans et qui n'avaient pas été retenues pour un album de The Flower King. Et puis en 2012 a suivi Power Play. En 2015, il propose HFMC, 2019 Parallel Life, 2021 We Are The Truth, et finalement en 2024 l'album Eternal Snapshot. Et de cet album, on écoute ce soir deux pièces, en fait une pièce qui est vraiment une pièce d'introduction très courte, A Sorrowful Mariner, et c'est couplé avec Blind Dog. Et puis d'Italie, on va voir un extrait du plus récent album de la formation Baroque Project. L'album a pour titre Time Voyager et c'est le 7e album de cette formation italienne. Et on le prend avec plaisir parce que le plus récent remontait à 2019, Seven Seas. Et de cet album, on va avoir la pièce Voyager. Et puis Marc, pour conclure cette première demi-heure, on va avoir une nouveauté norvégienne, un groupe vraiment original et qu'on apprécie tous les deux. Oui, en effet, il s'agit du groupe Mir, qui est formé du duo de frères et sœurs Knott et Johan Nesdal, et qui feront paraître leur 3e album le 23 août prochain. Un album qui a pour titre Wheels Within Wheels. Leur second album, Playing House, était paru il y a 3 ans. C'est un album qui dure près de 60 minutes et qui aborde le sujet des relations interpersonnelles. Alors, on aura pour vous ce soir un premier extrait qui a pour titre This is the End. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec As Froberg and Musical Companion. Thank you. Thank you.

Vous écoutez CKRL 89.1. Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean, logosportqc.com. Ici Denis Lelièvre. Le Festival de Québec Jazz en juin est de retour pour une sixième année du 20 au 30 juin. Pour tout savoir sur la programmation, découvrir la musique des artistes en vedette, écoutez Midi Jazz tous les jours de la semaine de midi à 14h. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Ici Yves Corbeil, un petit côté dément. Ben oui, pourquoi pas. Je vous invite à écouter Démentiellement Vôtre le vendredi soir à CKRL avec Satan Guy. CKRL 89.1. On donne le coup d'envoi de cette seconde demi-heure avec une autre nouveauté, cette fois-ci en provenance de Suède. En plus d'être une nouveauté, mais c'est un grand retour pour la formation Ritual qui va lancer le 16 août prochain un nouvel album, son cinquième album studio, The Story of Mr. Bugged Part 1. Et c'est son premier album en 17 ans. Et oui, en 17 ans. Le dernier album du groupe, The Emilic Voluntary Band, est paru en 2007. Donc, grand retour pour ces Suédois. Et des États-Unis, on aura Circuline, un extrait d'un album qui apporte cette core, troisième album studio pour cette formation américaine, et le disque est prévu pour le 20 septembre. On note l'ajout d'un nouveau membre au sein du groupe, Dave Benbridge, eh oui, le guitariste de Iona et de Life Sign. Et puis Marc, par la suite, ben, on tend notre oreille vers l'Espagne. Oui, on parle ici de la formation White Stones, qui est le projet solo du bassiste de Opeth, Martin Mendez. Ils ont fait paraître hier, donc le 28 juin, leur troisième album intitulé Memoria Viva. Et pour vous ce soir, on aura la pièce Zamba de Oron. Et ce sera suivi d'un second extrait ce soir du nouvel album de Baroque Project, cette formation italienne tirée de Time Voyager, leur nouvel album, probablement un de leurs meilleurs en carrière, qui est vraiment excellent du début à la fin. On aura pour vous la pièce Voyager's Home. Et pour débuter ce bloc musical, comme vous le disait Michel, un extrait du nouvel album de la formation Ritual.

liquor. I cannot breathe, I break. A tourniquet round my neck. The last breath that I take. Like a loaded gun, shadows of mistakes hard won. We don't talk about not talking. Gives breath, falling into the bliss. Around my neck.

retour à l'émission Terra Incognita. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres l'artiste d'origine israélienne, maintenant basée aux États-Unis, Gadi Kaplan. Et ce sera un extrait de son premier album Look Back, Step Forward, paru en 2013 avec la pièce Within the Clouds, qui est inspirée de la musique de Gong. On aura également un extrait de l'album concept Decameron, 10 Days in 100 Novelas Part 3, paru en 2016. Et ce sera une pièce de la formation américaine Sirius B, qui a pour titre The Night's Tale. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une excellente formation canadienne. Oui, une formation ontarienne que j'ai invitée à de nombreuses reprises à venir se produire dans le cadre du Festival Terra Incognita, mais j'ai pas encore eu de succès. Il s'agit de Monarch Trail, et on va voir un extrait de l'album Wither Down, paru en 2021. En fait, on va voir la pièce-titre, donc Wither Down, qu'on écoute à l'instant. To lose a win and I You call your CKRL 89.1. Cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnelle? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. De l'acoustique à l'électrique, Jazz en juin. Pour sa sixième année, c'est plus de 80 spectacles et 330 musiciens qui feront jazzer et groover la ville de Québec du 20 au 30 juin prochain. Du jazz de haut calibre pour tous les goûts au Grand Théâtre de Québec, à la Cité universitaire, au tout nouveau Laurier Jazz Club sur Grande Allée. Plus de 40 spectacles gratuits du 27 au 30 juin au magnifique domaine de Maiseret à compter de midi. Deux scènes y seront installées. De plus, chaque jour, la petite école du jazz accueillera les enfants pour une belle initiation à la musique. Le quartier Saint-Sacrement célébrera la note bleue également le dernier samedi. Du 20 au 30 juin, trouve ton jazz. Toute la programmation à jazzenjuin.ca. On jase ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22 heures passées. Pis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. Moi, je trouve ça décadent, là. Mais c'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation québécoise Jellyfish, tirée de leur premier album Tout ce que j'ai rêvé, paru en 2008, et une très bonne pièce qui a pour titre La cage des vautours, Liberté. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une pièce instrumentale d'une formation de l'Italie. Oui, un groupe que j'ai découvert il y a une quarantaine d'années avec leur premier album éponyme, c'est-à-dire qui a pour titre Maxophone, et c'est le groupe Maxophone. Et pendant longtemps, n'avait que ce seul album à sa feuille de route, il a fallu attendre 42 ans pour qu'il nous présente La Fabrica delle Nuvole, et c'est un extrait de cet album que l'on écoute ce soir. chaos et les bêtes immondes. Serait-ce la mort qui vient le chercher et s'est emparée de tous ses alliés? Son terrible spectre partout se glisse, convertit les rêveurs idéalistes, les endoctrine pour toujours, les condamne à la cage des vautours. Ils sombrent lentement et courent. Ils sombrent. Sa colère le suit jusqu'à Paris, où sa douce est partie, purvole de quelques nuits. Dans ses veines coule depuis deux poisons, celui de la haine et de la défense. Tendu sur le sol, il délire, les vautours se délectent de ses tirs, planant comme des ombres sous la lumière, prenant de leur cage les rêveurs de la terre. Il souffre sans cesse. élixir. Viens fortifier notre empire. Ne pose plus de questions. De toi, désormais, nous répondrons. Nous sommes les démons déguisés qui règnent en maître sur le monde. Retrouver ses esprits dans l'action. Au cœur d'une vaste forêt, il danse, transformé par ses souffrances. Les chamans tournent autour de lui, le lion à la source de vie. Lui livre le savoir inaccessible qui le rendra invincible. Il peut vivre parmi les hommes. Il rêve de l'utopie. On a voulu tuer la beauté, mais les comme lui ont protesté. On a voulu tuer la pensée, mais ils se sont révoltés. Et toi, te laisseras-tu faire? Sortiras-tu de ton enfer? Aimes-tu ta prison dorée qui te prive de liberté? Pour conclure l'émission ce soir, on a retenu une formation suédoise qui a été active durant la première décennie des années 2000. Il s'agit de Black Bonzo et l'extrait qu'on va entendre ce soir, c'est un extrait du second album paru en 2007, Sound of the Apocalypse. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants. Little boys with the old ones toys, waging war of the men who claim they knew the righteous way. Taught before by those who claim that they knew. KRL 89.1. Enha chicadinha maninha, já quei pra rocha bós, lá na fundo ribeirãozinho.